cancer. Le grand coureur est un navire de malheur quand il s'en va en croisière pour aller battre l'anglais. Le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il cinglait bâbord à mur, naviguant comme un poisson. Un gras tombe sur la mâture et v'là le corsaire en ponton. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Et il nous fallut remater et diablement relinguer. Tandis que l'ouvrage avance, on aperçut par tribord un navire d'apparence amantelée de savants. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. C'était un anglais vraiment, à double rangée dedans, un marchand de mort subite, mais le français n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous le rongeons à l'honneur. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Ses poulets tombent sur nous, nous lui rendons coup pour coup, tandis que la barbe en fume à nos braves matelots. Dans un gros bouchon de brume, il nous échappe aussitôt. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Pour nous faire de nos combats, nous avions à nos repas des gourganes et du larance, du vinaigre au lieu de vin, des biscuits pourris d'avance et du camphre le matin. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Nos prises au bout de 2 mois ont dû se monter à 3. Un navire plein de patates, plus qu'à moitié chaviré. Un autre plein de savates, le troisième de fumier. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Pour finir ce triste sort, nous venons périr au port. Dans cette affreuse misère, quand chacun s'est cru perdu, chacun selon sa manière s'est sauvé comme il a pu. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Si l'histoire du grand coureur a su vous toucher le cœur, ayez donc belle manière et payez-nous largement du vin, du rack, de la bière, et nous serons tous contents. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement. Allons les gars, gué, gué, allons les gars, gaiement.